yeah. Fais péter le volume dans ta caisse, on passe à l'action. Le rap est couché sur la table d'opération. Superfusion, le son coule à flot. Mot qui passe, moi les compresses, il faut refermer l'incision. Passe-moi du fil et une aiguille, je fais de la réparation maison. Le rap a monté les galons avec quelques blessures de guerre, mais toujours prêt à repartir au front. Fais péter le son, monte le volume à fond. Erkamouki Mouk, tu as trouvé la bonne station. Radio opération, on fait des réparations. Le rap fait réapparition, abracadabra. Tu as retenu la leçon, alors ne pose pas de questions. Depuis tout petit, on est tombé dans la potion. On sort que du bon son pour faire vibrer les caissons. On envoie de la qualité, c'est du bon son maison. Fais péter le son dans ta caisse, dans ta maison, dans la tête. C'est pour ceux qui se démerdent, pour ceux qui sont dans la tèche. Fais péter le son dans le studio, c'est pour ceux qui soutiennent, c'est pour les vrais gars, c'est pas pour les faux. Fais péter le son dans ta caisse, dans ta maison, dans la tête. C'est pour ceux qui se démerdent, pour ceux qui sont dans la tèche. Fais péter le son dans le studio, c'est pour ceux qui soutiennent, c'est pour les vrais gars, c'est pas pour les faux. Vas-y, fais péter le volume dans ta faco. Arrête de parler, ouais, tu mérites une balle et qu'on mette une crampe à taco. J'arrive d'une autre planète pour niquer ton rap trick et voler un brique et je te fais flipper comme les Daleks. Fuck tes rêves de starlet, je t'ai dit que j'allais tout baiser cette année. Dans la matière, hein, j'ai l'art et la manière pour gagner. Hey, 7-6 toute l'année, herb shit pour planer pendant que t'es sous panique. Actif, c'est pour les têtes ramées. Ça fait pas de faux mais que de volonté à frère. Pour débouler sur le beat et déballer de face fatale. Quand y'a pas de liquide, on reste sous la carapace. Flamme et capacité, même sinon ne vient pas sympathiser. On n'a pas le même pédigré, j'ai dit vrai. Tes potes ont sympathisé. Placatabla pour les faux, c'est ratatata. Rapata combat, ta balle nous y'a tes limites. On se tape à ta femme. Cherche la lumière ou faire pire. Ou la peur d'essayer. Nous ton jeu d'acteur, sale peur, j'suis mon rappeur préféré. Fais péter le son dans ta caisse, dans ta maison, dans la tête. C'est pour ceux qui se démerdent, pour ceux qui sont dans la tèche. Fais péter le son dans le studio, c'est pour ceux qui soutiennent, c'est pour les vrais gars, c'est pas pour les faux. Fais péter le son dans ta caisse, dans ta maison, dans la tête. C'est pour ceux qui se démerdent, pour ceux qui sont dans la tèche. Fais péter le son dans le studio, c'est pour ceux qui soutiennent, c'est pour les vrais gars, c'est pas pour les faux. Fais péter le son. Fais péter le son. Fais péter le son. Fais péter le son.